Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus à l'écoute d'Angle d'attaque, l'émission de radio animée par les comités locaux de la métropole de Lille. Il est à noter que, dû à des problèmes de disponibilité, notre émission est enregistrée une semaine avant sa diffusion. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur et parler de l'aéronautique et de son avenir. Après une année chaotique, due à la pandémie et un retour à la normale annoncé comme lointain, le secteur semble dans une très mauvaise passe. C'est un souci pour l'État, qui arrose les industriels et les compagnies aériennes d'aide contre la promesse, pour les premiers, de l'arrivée d'un avion bas carbone du futur. Alors, la croissance verte va sauver l'aéronautique ? Ça nous inspire pas mal de scepticisme. En parallèle, des collectifs citoyens, de professionnels du secteur et des scientifiques, ainsi que ATTAC, formulent des propositions pour un avenir du secteur en cohérence avec les objectifs écologiques et sociaux. Nous sommes cinq aujourd'hui à s'attaquer au sujet. Christian, René, Florent à la technique, Quentin et notre invité du jour, Laurence Boubet, qui fait partie du conseil d'administration d'ATTAC et qui a participé à la rédaction d'un dossier de ligne d'ATTAC sur l'aéronautique publié en janvier. Laurence, bonjour. Bonjour. Et Christian, je te laisse la première question. Merci Quentin. Et Laurence, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt ce dossier sur l'aéronautique. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui ont poussé ATTAC à constituer un groupe de travail autour de toi d'ailleurs et à se focaliser sur la question de l'aéronautique et donc de l'environnement ? Alors, se focaliser, c'est un peu étonnant comme présentation. On n'est pas, on traite ce secteur comme d'autres, je pense. L'avion, c'est pour nous, ça reste une invention majeure. On n'est pas du tout pour supprimer le transport aérien, mais le secteur a connu un développement dans la fin du XXe siècle. Lié à la déréglementation dans les années 80, qui a de nombreux effets néfastes, et la multiplication des vols, donc de la consommation de carburants fossiles, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique, du bruit pour les riverains, mais aussi le développement de compagnies low cost qui ubérisent leur personnel et qui, du coup, tirent tout le secteur du transport aérien vers le bas en termes de droits sociaux. Nous, on voudrait juste un développement de l'avion qui soit plus soutenable. Ça veut dire ? Alors, un développement de l'avion plus soutenable, c'est d'une part revenir sur... sur la déréglementation du secteur. On pense qu'il faut revenir à la réglementation du secteur et éviter le développement de compagnies low cost qui sont un véritable problème. Et puis, le développement du secteur, un développement de l'avion plus soutenable, ça passe par une réduction de son impact climatique et de façon plus générale de son impact environnemental. Le transport aérien a une part non négligeable dans les gaz à effet de serre, qui représente entre 5 et 10% selon les calculs. C'est vrai que ça peut paraître minime, mais c'est comme quand les Français disent mais pourquoi on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre alors que l'empreinte carbone des Chinois ou des Américains est supérieure à la nôtre. Il faut une juste réduction, quoi. Et en fait, tous les secteurs doivent réduire leur empreinte carbone. Et le secteur aérien a une particularité, c'est que dans ce domaine, il est à la fois juge et partie de son impact climatique, avec une alliance très forte entre les autorités, et que ce soit les autorités gouvernementales ou les autorités locales, les entreprises du secteur et leurs salariés, qui prennent des décisions au sein de cette espèce de bulle. Mais il n'y a pas de raison que le transport aérien consomme à l'horizon 2040 ou 2050 l'essentiel du budget carbone de la France. À l'heure actuelle, le secteur aérien s'est construit dans une sorte de tour d'ivoire. Donc, le kérosène est exempté de taxation. Le transport aérien n'a pas été pris en compte dans le protocole de Kyoto. Il est évoqué dans les accords de Paris, mais juste, mais pas dans les mesures de limitation. Donc, le secteur aérien s'organise un peu dans sa bulle pour tenir compte de la pression à la réduction de son empreinte carbone. Mais du coup, il prend des mesures, il adopte une stratégie nationale du transport aérien qui est complètement déconnectée des autres secteurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le ramener, sortir de sa bulle et le ramener à être traité en même temps que de la même façon que les autres secteurs. Il n'y a pas de raison qu'il soit ailleurs. Oui, à ceci près que c'est un secteur international, donc il est de toute façon, par définition, compliqué d'avoir autour de la table des décideurs américains, canadiens, chinois ou indiens, et même européens, pour décider de quelque chose qui serait, un peu pénalisant par rapport à la liberté dont dispose aujourd'hui le secteur aéronautique. Oui, effectivement, hein, c'est un secteur qui est un secteur international, mais il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par le gouvernement français. L'État français a une responsabilité historique dans le domaine aérien. On est un des gros constructeurs aériens, une compagnie nationale qui est importante, un poids en termes d'emploi qui est important, et donc la France a une responsabilité par rapport à ce secteur, et elle doit agir en ce sens. Il faut qu'on arrête de se réfugier, comme dans bien d'autres domaines, derrière l'idée que nous on peut rien, parce que c'est tout à fait le discours du directeur général de l'aviation civile sur la stratégie nationale de transport aérien, c'est de dire oui, mais nous, on a bien proposé une réduction du transport aérien, mais les autres n'ont pas accepté. Il faut prendre des mesures pour initier le mouvement sans attendre qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau international ou au niveau européen. Au niveau européen, il y a quand même des réglementations qui ont été adoptées, par exemple en termes de pollution atmosphérique. L'Europe, il y a un certain nombre d'années, avait adopté des dispositions de limitation de façon réglementaire des normes de pollution atmosphérique des avions qui atterrissaient sur son sol. On pourrait tout à fait imaginer que l'Europe prennent le même type de disposition en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre. Et interdire l'atterrissage et le décollage d'avions qui ne respecteraient pas ces normes. Les normes par rapport à la pollution atmosphérique ont entraîné, elles ont, du coup, il y a eu un temps d'adaptation, mais elles ont entraîné réellement des recherches et l'aboutissement à des pollutions, à des normes de pollution atmosphérique bien inférieures. Donc on peut imaginer qu'en termes de d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait faire de même. Quoi. Et puis il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre au niveau français, quoi. Et en particulier, il y a deux choses. Il y a les mesures qui visent à réduire le transport, le trafic aérien, les mesures qui visent à réduire le trafic aérien en France, elles peuvent tout à fait être adoptées. On peut citer, enfin, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en avant. Bon, on peut citer une proposition de parlementaire qui consistait à attribuer un quota de kilomètres avion à chaque Français, en disant que ce quota de kilomètres avion peut être accumulé pour s'offrir un voyage à l'étranger, par exemple, je sais pas, tous les 5 ans, ou bien sûr ça reste à discuter. Ces mesures qui entraîneraient une réduction du trafic aérien, c'est des mesures qui peuvent tout à fait être prises par le gouvernement français. Après, oui, il y a l'autre volet de mesures qui sont de prendre en compte la réduction du trafic aérien dans ses impacts sociaux et économiques. Et là, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être tout à fait prises par la France, quoi. Oui, on peut revenir juste avant cette question-là que tu soulèves. On peut revenir aussi sur est-ce que les efforts, d'abord de l'État qui va financer à hauteur de 15 milliards le secteur aéronautique, dont 7 pour Air France, est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans les techniques, dans la technologie aéronautique? On a parlé beaucoup d'avions à propulsion hydrogène. Mmh. Alors, les mesures les mesures de décarbonation du secteur, de façon générale. On a beaucoup, donc, au sein d'ATAC, avec d'autres organisations, on a beaucoup discuté de ces questions, y compris avec des salariés. Je pense que désormais, il est établi que aucune mesure de décarbonation ne sera ni à hauteur, ni dans les temps pour permettre la nécessaire réduction de l'empreinte carbone du secteur. Si on prend l'exemple de l'hydrogène, pour l'avion à hydrogène, il n'existe pas. Pour développer l'avion à hydrogène, pour qu'il représente réellement une part importante des avions du secteur, il faut 20 à 30 ans. On peut pas se permettre d'attendre 20 à 30 ans pour réduire l'empreinte carbone du secteur. Et on a un autre souci sur cet exemple-là, sur l'hydrogène, c'est que l'hydrogène, c'est une piste de décarbonation pour d'autres secteurs. Encore une fois, le secteur aérien, il n'est pas tout seul à devoir se décarboner. Et les solutions qu'il avance sont des solutions qui sont envisagées par d'autres secteurs. Par exemple, L'hydrogène, c'est une solution pour décarboner les transports routiers lourds, les camions, les autocars. Et la production d'hydrogène vert, si le trafic aérien ne se réduit pas, on ne va pas pouvoir produire de l'hydrogène vert pour tout le monde. Donc, on est sur des solutions qui sont conçues dans cette espèce de bulle du secteur aérien, sans tenir compte du tout des autres secteurs. Et ça peut pas marcher, quoi. Et on peut pas mobiliser toutes les pistes. C'est pareil sur les accords CORSIA, qui sont des accords de compensation. Les accords de compensation. Donc l'objectif des autorités, c'est de dire croissance zéro carbone sur la base du trafic 2019. Sur la base du trafic 2019, donc avant la pandémie. Donc l'idée, c'est on va toute la croissance du trafic, puisque la croissance du trafic est toujours pas remise en cause par les autorités, toute la croissance du trafic qui interviendra au-delà du trafic de 2019 devra être compensée. Et donc en clair, c'est planter des arbres dans un certain nombre d'endroits. Mais ça, ça tient pas la route non plus, parce que la compensation, c'est aussi une façon de compenser qui est envisagée par d'autres secteurs. Ça peut pas être que le secteur aérien qui mobilise toute la compensation. Donc tout ce qui peut être avancé, et on pourrait dire c'est pareil pour les agrocarburants, il y a d'autres secteurs qui envisagent aussi les agrocarburants. Et donc, tout ce qui peut être envisagé, et puis les mesures techniques du type le roulage des avions au sol, utiliser des camions électriques, optimiser les trajectoires de vol, toutes les mesures qui ont été envisagées par le secteur pour réduire son empreinte climatique ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut. La seule solution, c'est de réduire le trafic aérien. Alors, je me permets, oui, ça croise exactement. Il y a un think tank qui s'appelle le Shift Project qui travaille sur le sujet de la décarbonation de la société et qui arrivait exactement à cette conclusion. Donc, c'est un rapport qui a été établi avec des scientifiques, avec des ingénieurs de Supaéro, qui est sorti assez récemment, je crois. La synthèse est assez accessible, elle fait 8 pages et... voilà, il n'y a rien de... Enfin, j'invite les auditeurs, s'ils sont intéressés, à le consulter. Et effectivement, en fait, c'est exactement la conclusion à laquelle ils parviennent. Et selon des hypothèses, avec des projections, avec un budget carbone qui est donné, qui permet de tenir les accords de Paris, ils concluent qu'en restant optimiste, il faut faire baisser le trafic aérien entre son statut en 2018 et 2040. Il faut faire baisser le trafic aérien de 16%. Donc on voit qu'une logique qui dit on va continuer de croître et compenser, elle est battue en brèche par une analyse scientifique de ce qui se passe réellement. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, hein, on a regardé les travaux du Shift Project. Bon, on pourrait avoir... enfin, il y a certains éléments qu'on pourrait critiquer, mais bon, c'est pas. Mais on est sur le même constat, sur le même diagnostic. Hein, il y a d'autres organisations qui l'ont fait avant. Hein, il y a un collectif européen qui s'appelle, en français, qui s'appelle Rester sur Terre. Qui est un collectif de dizaines d'associations, d'organisations qui travaillent depuis des années sur la question du transport aérien et sur son impact climatique et sur la nécessaire réduction du trafic. Bon, il y a un certain nombre. Donc, Attac fait partie de ce collectif, mais il y a aussi le RAC, enfin un certain nombre d'organisations. Et l'ensemble de ces organisations est sur ce constat depuis déjà plusieurs années. Et c'est vrai que la pandémie remet le sujet en évidence parce que, en fait, la pandémie, en ayant laissé tous les avions au sol, démontre que, ben oui, la réduction du trafic, c'est possible et que la société ne s'effondre pas quand on réduit le trafic, hein, y compris quand on le réduit à zéro, quoi. Donc, c'est aussi ce qui nous renforce sur l'idée que le secteur peut pas continuer comme ça, en faisant l'autruche et en mettant en avant des solutions qui sont pas jouables, quoi, qui sont pas acceptables. Mais du coup, on en vient à la question justement. Là, on a laissé les avions au sol pendant un an. Enfin, on a un niveau de trafic qui est excessivement faible. Mais il y a une grosse inquiétude pour le secteur de l'aéronautique en France, l'industrie aéronautique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y avait des propositions dans le dossier d'Attac pour trouver des solutions et pour éviter une espèce de... Ben, on voit le problème de la mono-industrie à Toulouse, tous ces sujets. Oui, non, mais... bon, la question de l'emploi, c'est la question majeure. Hein. C'est celle de tous les secteurs qui sont remis en cause pour leur impact climatique et environnemental, que ce soit le nucléaire, les énergies fossiles... Amazon, enfin, à chaque fois, on nous avance l'argument de l'emploi et bon, le néolibéralisme a créé le chômage de masse et utilise maintenant cette arme de dissuasion contre toute remise en cause de ses activités. Ce qui est clair, c'est que on peut pas laisser le secteur à l'abandon et juste dire ben nous on veut réduire le trafic aérien et puis voilà. Il y a une espèce de déni des autorités gouvernementales locales, des entreprises du secteur et de certains salariés. Autant il y a une part importante des salariés qui a pris conscience, quoi, et qui se rend bien compte que c'est pas possible de continuer comme ça ou que c'est pas possible de revenir à la situation antérieure avec des perspectives de croissance du trafic. Donc je pense qu'ils en ont pris conscience et je pense avec d'autres que c'est eux qui détiennent les clés. Détiennent les clés à la fois en termes de solutions, de pousser pour un plan de reconversion partielle de la filière, un plan de diversification de ses activités, et c'est les salariés qui peuvent travailler sur ça. Et il y a déjà des choses qui se font, hein. Donc il y a un collectif toulousain, parce qu'effectivement la région toulousaine est la première région en termes par rapport au secteur industriel, avec Airbus et puis toute la myriade de sous-traitants autour d'Airbus. On est sur le développement d'une quasi-mono-industrie qui fait que si le secteur s'effondre, c'est toute la région qui s'effondre. Donc il y a un collectif qui s'appelle Penser l'aéronautique pour demain, qui est un collectif qui regroupe des syndicats, des étudiants du secteur aéronautique, hein, des différentes écoles aéronautiques, des riverains, des associations, des collectifs de salariés. Et ils ont commencé à engager des réflexions et à réfléchir sur comment, vers quelle piste de diversification, comment reconvertir le secteur et voilà, donc c'est des réflexions qui sont engagées et le positionnement d'Attaque par rapport à ça, c'est à la fois de porter l'idée avec d'autres qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut que le secteur réduise son empreinte carbone et donc réduise son trafic, et qu'il faut donc envisager une reconversion partielle du secteur. Et on se positionne complètement en soutien des salariés, des organisations, des syndicats qui s'engagent dans cette voie. Donc il y a une action des salariés, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin d'une intervention de l'État ou d'une... Parce qu'on continue d'abandonner par exemple le secteur ferroviaire, on voit qu'il est en grande difficulté, et que alors que ça pourrait être une clé de décarbonation, on s'imagine dans un effet de vase communicant qu'on peut avoir des employés du secteur aéronautique qui peuvent se reconvertir dans le ferroviaire, mais s'il n'y a pas un État derrière pour développer le service ferroviaire, ben c'est bien que les salariés soient conscients de cette solution-là, mais ça ne permettra pas un changement dans la réalité. Oui, non, mais c'est clair que ce n'est pas le marché qui va pouvoir régler cette question. Il faut impérativement que l'État reprenne la main. Quand François Bayrou a été nommé au commissaire à la planification, moi j'avais avancé l'idée qu'il fallait que son premier dossier devrait être celui-là. Ça fait tout à fait partie des missions d'un commissariat à la planification, de concevoir un plan. C'est au niveau national, en accord avec les conseils régionaux. Par exemple, un conseil régional d'Occitanie n'a pas attendu l'État pour engager des réflexions sur le sujet, mais il n'y a que l'État qui peut prendre ça en charge, parce que ça doit se traduire par des mesures, y compris des mesures réglementaires, des mesures économiques, et il n'y a que l'État qui peut mettre ça en avant. Donc, ce qu'on pousse aussi, c'est que l'État mette en œuvre un plan de reconversion partielle de la filière, une diversification du secteur et dans des mesures à la fois réglementaire, social et économique. Et le fait que l'État ait fait on ne remet pas en cause les aides qui ont été données à Airbus au secteur aérien dans son ensemble et à Air France, simplement que ces aides aient été quasiment inconditionnelles, une vue à court terme, quoi, hein, sans conditionnalité à la fois environnementale et sociale. C'est tout à fait ahurissant, quoi. C'est la batterie habituelle, quoi, quand même. C'est la réduction des coûts et donc la suppression du personnel, même si on va tabler sur les départs volontaires. Si, il y a quand même les lignes interrégionales un peu réduites, mais effectivement, c'est loin de suffire. Oui, bien sûr. Il y a effectivement, il y a cette... le fait de supprimer Paris-Bordeaux, enfin même pas Paris-Bordeaux, Orly-Bordeaux, Orly-Lyon, c'est vraiment un peanuts par rapport à l'enjeu, quoi. Hein, la Convention citoyenne sur le climat l'a bien pointé, et on pense qu'ils sont même un peu en deçà de ce qu'il faudrait, réellement. Donc, il n'y a pas eu du tout de ces conditionnalités. Et il faut qu'on pousse pour qu'il y ait des mesures réglementaires et économiques qui soient prises. Et donc, penser l'aéronautique pour demain. Donc, ils ont organisé des états généraux à Toulouse où ils ont produit plusieurs. Il y a eu des réflexions qui ont été avancées. Donc, par exemple, en termes de diversification dans l'énergie, dans le domaine des transports. Alors, bien sûr, d'aucuns disent non, mais on ne va pas transformer un ingénieur aéronautique du jour au lendemain en un ingénieur à la SNCF. Bien sûr, c'est pas, ça suppose des plans de formation massifs. Ça suppose aussi des droits sociaux développés, la sécurité sociale professionnelle, le fait le fait d'interdire les licenciements dans ces entreprises et de mettre en place des dispositifs sociaux qui permettent aux salariés qui ne peuvent pas rester dans ces entreprises de se former sur une période, je ne sais pas, de 2 ans, enfin sur la période nécessaire pour pouvoir rebondir sur d'autres secteurs économiques. Oui, c'est le principe de la sécurité sociale professionnelle, en effet, oui. Oui, voilà. Tout ça, c'est des mesures qui sont indispensables pour éviter une catastrophe économique et sociale sur le secteur. Oui, mais c'est clair qu'il y a du boulot, quoi. Et comme le dit Quentin, effectivement, c'est la reprise en main de l'État pour une masse de personnel en voie d'être au chômage dans une reconversion qui ne peut que coûter et qui ne peut être décidée que par l'État. À la limite, les conseils régionaux, mais on est loin du compte avec le nombre de personnes qu'il s'agit de reconvertir. Oui, bien sûr. Oui, Le conseil régional d'Occitanie, avec la meilleure volonté du monde, est pas, c'est trop important pour le nombre d'emplois en Occitanie est trop important pour que le conseil régional puisse seul, sans l'aide de l'État, envisager ce plan de reconversion partielle. Et puis, il n'y a pas que les emplois en Occitanie, hein, il y en a quand même. Airbus a des implantations dans le secteur. Et puis, le transport aérien, les compagnies aériennes. Et puis, il y a toute l'île de France, quoi, hein, à la fois. En Picardie, oui. Ouais. Et puis, l'île de France, à la fois. À la fois en secteur industriel, mais aussi toutes les compagnies aériennes, les aéroports de Paris, enfin voilà. Donc il est clair que la filière, s'il n'y a pas un plan pris en charge par l'État, les régions ne peuvent pas l'assumer et la filière ne peut pas l'assumer elle-même. Hein. Et puis il y a des dispositions d'ordre réglementaire qui peuvent être prises que par l'État, quoi. Hein. La mise en place de la sécurité sociale professionnelle, l'interdiction des licenciements, il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions qui relèvent de l'État. Un autre secteur dont on voulait parler quand on parle de reconversion, c'est le lien entre l'aéronautique et le tourisme, parce qu'on sait que c'est déjà l'aéronautique est un secteur industriel important en France, mais le tourisme l'est tout autant, qui est un secteur aussi, le tourisme, qui a été touché par la crise du coronavirus. Et on sent dans certaines personnes qui sont sensibles au fait qu'on touche au secteur aéronautique, c'est tous les secteurs du tourisme qui ont peur qu'il y a un report du tourisme dans d'autres pays, si jamais on prend des mesures trop contraignantes en France, et qu'il y ait une baisse de fréquentation. Est-ce que, dans votre rapport, il y avait des idées, des propositions là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre sur ces questionnements autour du tourisme ? Alors, effectivement, la question du tourisme est une question importante parce que, si on regarde la répartition par motif de voyage sur le transport aérien, il y a tous les voyages professionnels dont on peut imaginer que on l'a bien vu là, qui peuvent être réduits fortement sans qu'il y ait des effets pervers sur d'autres secteurs, hein, que de la même façon qu'on peut mettre en place des quotas pour les particuliers, on pourrait mettre en place aussi des quotas pour les entreprises, pour limiter les vols professionnels. On pourrait dire la même chose pour l'aviation privée à motif de loisirs. Les plus riches d'entre nous qui prennent un petit avion pour aller dans leur résidence secondaire. Mais c'est vrai que si on réduit fortement le trafic aérien, et puis ben là on l'a bien vu qu'il n'y a plus de touristes étrangers en France qui viennent en avion, l'impact sur le tourisme est bien évidemment majeur. Bon, il y a sur l'impact en France. Je pense que de la même façon que là, il va falloir qu'on fasse quelque chose par rapport à l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme, mais aussi l'impact, par exemple, du réchauffement climatique sur les stations de ski, sur tout le secteur du ski, il va falloir effectivement reconvertir une partie là aussi du secteur du tourisme vers des activités qui soient plus tournées vers les Français ou vers les ressortissants de pays limitrophes qui peuvent venir en France en train ou en voiture. Oui. En fait, c'est redévelopper un tourisme de proximité. Voilà. Et redévelopper un tourisme de proximité, c'est aussi envisager une démocratisation du tourisme. À l'heure actuelle, on sait bien que j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a toute une partie de la population française qui part pas en vacances. Hein. Mm-hmm. Envisager un autre développement du tourisme en France, c'est aussi développer des offres qui soient accessibles à des gens qui partent pas en vacances actuellement. Et on pourrait parler à tout le secteur des colonies de vacances, tout ça qui a pris une claque considérable, et tous ces secteurs pourraient être soutenus pour évoluer vers un tourisme de proximité plus populaire, plus démocratique. Et en même temps de qualité, éviter un tourisme de masse, les gens s'amassent à la plage, mais plutôt développer des visites thématiques ou je sais pas, enfin des choses plus de meilleure qualité. Oui, oui, oui, tout à fait. Il y a probablement des, enfin il y avait, je crois que dans Ligne d'attaque, on a intitulé ça "Repenser le voyage". Il y a effectivement toute une réflexion à avoir et pour essayer de se passer dans la mesure du possible des touristes étrangers aériens. Alors on n'est pas pour la suppression totale des vols intercontinentaux, hein, bien sûr, mm-hmm. mais envisager la réduction de ce tourisme, ça suppose de redévelopper le secteur sur d'autres pistes. Et de la même façon, pour le tourisme des Français à destination de l'étranger, on sait bien qu'il y a, il y a toute une partie, de toute façon, de la population française qui n'a jamais pris l'avion. Et s'il y a toute une partie de la population française qui voit ça comme quelque chose de désirable, de toute façon ils en ont pas les moyens. Et donc la question, c'est comment on fait pour à la fois pour rendre accessible le transport aérien, mais dans des conditions soutenables, c'est-à-dire pas par des compagnies low cost, et en même temps réguler cette frénésie de transport aérien pour aller passer un week-end à Prague ou au Maroc. Ouais, je voulais donner quelques chiffres. Il y a 36% des Français qui prennent l'avion tous les ans, mais il y a 2% des Français qui prennent la moitié de tous les vols, surtout, j'imagine, des hommes et femmes d'affaires. Et au niveau mondial, il y a 80% de la population qui n'a jamais pris l'avion. Mmh. Oui. Et je veux dire, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, un budget carbone individuel qui permettrait de répartir un droit à prendre l'avion pour chaque individu ou... Oui, oui, c'est ce que j'évoquais un peu avant. Il y a eu une proposition parlementaire sur le sujet, donc un budget carbone, un quota de kilomètres avion pour chaque Français et qui pourrait être cumulé dans le temps pour une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, avoir la possibilité de prendre l'avion pour aller à l'étranger. Ça permettrait et on pourrait imaginer que ce quota de kilomètres il soit accompagné de mesures sociales pour le rendre accessible à tout un chacun, parce que si on met en place des quotas comme ça et que au final il y a la moitié de la population qui peut pas l'utiliser parce qu'elle n'aura pas les moyens de se payer ce vol qu'elle aura entendu pendant 5 ans, ça va pas non plus. Donc il faut à la fois rendre juste, démocratiser au sens où parce qu'on a beaucoup parlé de démocratisation du transport aérien, mais la démocratisation du transport aérien, elle est complètement factice. C'est les plus riches d'entre nous qui ont pu multiplier les déplacements, alors que, comme vous le disiez, une grande partie de la population a jamais pris l'avion. Donc il y a à la fois à faire en sorte que on ait tous les mêmes droits en termes de d'utilisation d'un quota, d'un budget carbone, qu'on ait tous les mêmes droits, mais que il y ait des aides financières pour pouvoir concrétiser ce droit. Là encore, je crois qu'on est dans une perspective de pas forcément court terme, et je pense qu'on va terminer quand même sur cet aspect-là. On va parler maintenant de nos problèmes locaux d'aéroport. Je vole par vent debout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa Tango Charlie, allô, papa Tango Charlie, répondez-nous, vous cherchons. Celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa Tango Charlie. Allô, papa Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Je me moque de tout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa Tango Charlie, allô, papa Tango Charlie, répondez-nous, vous cherchons. Allô, papa Tango. Voilà. On revient donc après la pause musicale sur la question de locale d'un aéroport qui doit bien intéresser Dominique Bonnet qui a participé d'Aix-Marseille, Attaque d'Aix-Marseille, qui a participé à la lutte contre le permis de construire de l'aéroport d'Aix-Marseille. Bien, c'est René qui connaît le mieux le dossier ici. Il s'agit de la modernisation de l'aéroport de Léquin, René. C'est ça. L'île Léquin. Voilà. Donc l'objectif est déjà de passer de 2,2 millions à 4 millions de passagers en 2040, sans agrandir la surface foncière, sans construire de nouvelles pistes et sans augmenter sensiblement le trafic. Voilà. La présentation du projet cible de manière assez habile, d'ailleurs, la nécessité d'adaptation aux évolutions réglementaires. Bon, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas y échapper. L'amélioration des conditions d'accueil des passagers et aussi proposer de nouvelles destinations, enfin des destinations adaptées aux besoins de la population de la métropole. Et en même temps, une complémentarité avec le TGV. Oui, alors il faut dire aussi que le projet de modernisation, qui est quand même un peu un agrandissement, comme l'a dit la revue Médiacité, ici à Lille, a été écrit avant le Covid. Et donc, on a des choses assez marrantes parce qu'ils considèrent qu'il faut... Tout sera comme dorénavant, tout sera comme d'habitude. On fait exactement l'amélioration, l'agrandissement, plus de voyageurs, plus de voyages, plus courts. Alors, qu'est-ce qu'on oppose à ça, nous, René ? Alors, nous, eh bien, c'est créé donc un collectif d'associations, qui est elle-même une association. Oui, et il faut dire, on y a été invité parce que déjà, nous avons participé à la lutte contre cet agrandissement, enfin cet agrandissement de l'aéroport, déjà par une manifestation le 3 octobre sur le site, qui malheureusement, nous devions intervenir, mais les gendarmes nous ont bloqués. Néanmoins, la manifestation a quand même eu lieu avec d'autres associations. Nous avons participé aussi à l'argumentaire de la pétition non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille, donc lancée aussi fin 2020. Une bombe climatique, c'est ça. Voilà. Et nous avons participé également, toujours fin 2020, à la rédaction des cahiers d'acteurs qui avaient été mis en place pour la consultation publique. Oui, c'est une démarche assez volontariste du nouveau gestionnaire de l'aéroport qui a demandé son avis à un certain nombre d'associations. Nous avons répondu, Virage Énergie a répondu, les Amis de la Terre ont répondu, les voyageurs du Nord ont répondu également, tous sont absolument contre l'extension, agrandissement de l'aéroport. Les questions sont plutôt autour du bruit et de la pollution. Voilà. Donc nous y avions été invités par une association, à NADA, à rentrer dans ce collectif NADA, par l'association Parc Saint-Sauveur, avec laquelle nous avons déjà travaillé, notamment contre les projets d'urbanisme à Lille et l'urbanisation de la friche Saint-Sauveur. La friche Saint-Sauveur, effectivement, qui a valu par notre ami Jean Gadret à Martine Aubry le surnom de bétonneuse. Voilà. On va terminer, René, avec une présentation courte de NADA. NADA, tu nous dis ce que ça veut dire, déjà ? Ah oui, NADA, c'est non à l'agrandissement de l'aéroport, donc de Lille-Léquin, bien sûr. Alors, c'est un collectif d'organisations qui est devenu elle-même une association, qui comprend donc Parc Saint-Sauveur. Alors, Parc, c'est protection, aménagement, réappropriation collective de la friche Saint-Sauveur. Ensuite, Entre-Liane, Aspi, Attaque-Lille et Attaque-Roubaix-Tourcoing, les Amis de la Terre, France Nature Environnement Hauts-de-France et aussi des citoyens à titre individuel. Alors l'objet, c'est s'opposer à l'agrandissement de l'aéroport et au développement de son trafic, de lutter pour la réduction des nuisances environnementales, sanitaires et notamment l'artificialisation des surfaces agricoles et naturelles des alentours. C'est aussi, lutter contre le non-respect des objectifs de réduction des émissions de GES et la pollution de l'air, et l'atteinte à la ressource en eau, la pollution des nappes phréatiques, etc., les nuisances sonores, et les autres espaces de nuisance, comme les autres types de nuisances, notamment vis-à-vis de la biodiversité et des paysages. Oui, etc. Alors il faut dire un mot quand même que la DREAL, par l'Agence de l'Environnement, sur tous les points que vient de citer René, est plutôt sceptique et va demander beaucoup d'explications lorsqu'il s'agira de faire l'enquête publique. Oui, elle a même demandé un recadrage du projet. Et pour finir, je terminerai là-dessus, l'association s'est créée, bien entendu, pour pouvoir aller en justice contre l'extension de l'aéroport. Voilà. On va passer maintenant assez rapidement, René, si tu le veux bien. Combien de temps nous reste-t-il ? 5 minutes, bah, ça va, c'est à peu près ce qui était prévu. On va d'abord remercier Laurence pour sa gentillesse et sa façon de nous expliquer le danger que représentent l'aéronautique pour demain et les espoirs qu'il y a que votre article à plusieurs, puisque vous l'avez écrit à plusieurs, votre article suscite d'intérêt et un peu d'espoir dans les gens qui sont évidemment frappés par cette crise qui est vraiment en route aujourd'hui et contre lequel le gouvernement ne fait rigoureusement rien, sinon le pire. Merci Laurence. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. René, tu vas commencer par le plan national. Eh bien oui, donc les activités d'attaque. Alors déjà, qui doit payer la crise? C'est la seconde phase de la... Ah pardon, excuse-moi. Donc, qui doit payer la crise? C'est la seconde phase de la campagne « Faisons payer les profiteurs de la crise ». Alors, contre les propositions de la commission Arthuis, Attaque dénonce la logique néolibérale et austéritaire de ses recommandations et propose de remplacer l'injuste CRDS par un CRDC, une contribution au remboursement de la dette Covid, payée par les plus riches et les grandes entreprises. Donc, la campagne est lancée et déjà, étant donné le contexte, pandémie, restriction de liberté, plusieurs types d'actions individuelles ou collectives sont proposées aux comités locaux et à leurs membres. Affichage de pancartes, enfin de visuels dans l'espace public, manifestations parodiques et ironiques comme des défilés de riches remerciant le gouvernement, des prises de parole et des discussions ouvertes dans les lieux publics. Déjà à Paris, donc samedi 10 avril, une action symbolique menée par 40 activistes d'attaque dans la station de métro Bercy qui passe sous le ministère de l'Économie et des Finances. Les militantes et les militantes ont recouvert 5 panneaux de publicité par des affiches du gang des profiteurs, alors Arnaud, Bettencourt, Drahi et Pinault, en demandant « Qui doit payer la crise ?» Voilà, on ne manque pas d'humour, on ne sera pas seulement altermondialiste aussi, on est activiste à attaque. Oui, encore un petit mot, René, pour dire que la CRDC, contribution au remboursement de la dette sociale, nous la remplaçons volontiers par la contribution du remboursement de la dette Covid, CRDC. Voilà. Exactement. Taxer les plus riches et les entreprises qui réalisent des profits pendant la pandémie, c'est une idée qui se généralise, figurez-vous. Eh bien, l'étonnant, c'est que ça vient des États-Unis, avec l'équipe de Biden, le secrétariat d'État, pense sérieusement à baisser le taux de profit, d'augmenter la taxation sur le taux de profit des entreprises bénéficiaires, et il y en a, et sur les riches. C'est quand même curieux aussi, c'est la même chose en Angleterre, il n'y a qu'en France que ça ne se fait pas, mais en France on sait très bien que si on est taxé une entreprise à 33%, les multinationales et les grandes entreprises sont taxées à 8%, donc il y a quelque chose à rétablir là-dedans. Le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a un soutien un peu surprenant qui est celui du FMI. Il nous reste une minute et on n'oubliera pas que le 30 mars dernier, l'association NADA, dont René vient de parler, dont nous sommes membres, s'oppose à l'extension de l'aéroport de Lille, on le sait, a tenu une vidéoconférence pour préparer l'action à venir. Et déjà, une conférence de presse est prévue le 28 avril à 18h. On communiquera par les réseaux sociaux l'adresse. Je vous remercie de votre attention. Nous vous souhaitons un bon week-end. Salut à tous. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.